Les 100 000 salariés de France Télécom ont reçu aujourd'hui un questionnaire. Un questionnaire sur le stress au travail. La direction a fait appel à un cabinet spécialisé, il s'appelle Technologia, pour tenter de mettre fin à la spirale du suicide dans l'entreprise. En moins de 2 ans, 25 salariés de France Télécom se sont tués. Dalila Beritane. C'est un questionnaire qui contient un peu plus de 160 questions. Les 102 000 salariés du groupe France Télécom l'ont tous reçu ce lundi. C'est sur la base du volontariat que chacun d'entre eux est invité à répondre à ces questions. À la rubrique « Situation psychologique liée au travail », les employés de France Télécom devront dire par exemple si au cours des 7 derniers jours, ils se sont sentis désespérés, sous pression ou encore s'ils ont pleuré facilement. Et le stress, les salariés de France Télécom le vivent au quotidien, depuis le suicide de 25 de leurs collègues, pour une grande partie sur le lieu de travail. Les langues commencent à se délier. Les syndicats parlent d'un flicage permanent des salariés, de méthodes managériales déshumanisées, de pression insupportable pour une meilleure productivité ou encore de mobilité forcée. Devant la pression syndicale mais surtout politique, la direction de France Télécom a accepté de revoir ses méthodes avec le concours du cabinet Technologia. C'est ce même cabinet qui avait permis à Renault de revoir ses méthodes de travail après le suicide de plusieurs salariés sur l'un de ses sites à Guyancourt, près de Paris.